Oh, solitude. En octobre, Faustine est reçue par la doctoresse Cohen, psychiatre. Le courant passe bien. Étant donné que l'alcool n'est pas le problème du moment, il n'est que vaguement évoqué. La doctoresse est impressionnée par la vitalité de Faustine. Vous dormez bien? Coussi, coussin. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Ça dépend, entre 60 et 80. Comme j'aime pas les embouteillages, il m'arrive de commencer à 5 heures du matin. Le plateau est désert à cette heure-là. Le soir, je m'arrête souvent vers 22 heures, quand nos commanditaires américains n'ont plus besoin de moi. Et le week-end? Il y a tout à faire. Si je ne suis pas au bureau le samedi, je fais mon marché. L'après-midi, un saut complémentaire à l'hypermarché. De retour à la maison, je lance une machine, m'occupe de la pré-cuisson et du conditionnement des plats pour la semaine. Souvent, le soir, nous avons des invités. Je reste en cuisine. Mon mari est musicien. Lorsqu'il joue vendredi soir ou samedi soir, je l'accompagne. Nous rentrons vers 2 ou 3 heures du matin. Le dimanche, nous allons à la piscine à vélo. Nous profitons du sauna et nous rentrons en faisant un grand tour. À midi, nous nous contentons d'un brunch avec brioche maison. L'après-midi, c'est repassage et ménage pour être tranquille le lendemain. Et vous ne vous sentez pas fatigué? Si, bien sûr, mais c'est la vie, non? Et ça m'évite de penser. Vous gagnez bien votre vie avec le poste que vous occupez? Oui, assez. Vous pensez pouvoir vous offrir les services d'une femme de ménage? Ça vous éviterait une surfatigue. C'est une bonne idée. Je vais l'étudier. Bon, on va s'arrêter là. Avant que vous partiez, je voudrais vous dire 2 choses. Au vu de votre anamnèse, il est possible qu'un diagnostic de PMD soit envisageable, qui est une psychomaniaco-dépression. Tout ça? Oui, et je vous suggérerais fortement, dès que vous le pourrez, de faire un petit tour à l'hôpital Sainte-Anne pour y subir un traitement au lithium. Ils sont spécialisés et ils obtiennent d'excellents résultats en ce qui concerne les PMD. Je suis sûre que cela vous aiderait. D'accord, mais pas tout de suite. Je voudrais d'abord assurer ma position dans la société où je travaille. Je comprends. Dès que vous le pourrez alors. Mais ne perdez pas trop de temps. C'est entendu, je vous tiendrai au courant. Je suggère aussi que nous nous rencontrions une fois par semaine. Et d'ici là, je vais vous prescrire du rohypnol et 2 ou 3 autres petites choses. Attention, proscrire l'alcool à tout prix. Je vous conseille également de prendre rendez-vous avec la doctoresse Catherine M. à Orsay. C'est une excellente acupunctrice. Elle a aidé beaucoup de mes patients dépressifs. Merci, docteur. Faustine se met donc à la recherche d'une femme de ménage. Une affichette chez la boulangère, un numéro de téléphone, un prénom. Rosario entre dans leur vie. Avant son arrivée, Faustine met un point d'honneur à nettoyer sa maison de fond en comble. À première vue, Rosario semble une jeune personne très responsable malgré son jeune âge, 20 ans à peine. Faustine est comblée, un peu vexée tout de même quand l'autre redescend de la salle de bain et demande une éponge qui gratte. Parce que c'est très sale, là-haut. Soit, au moins le travail sera bien fait. Ne dit-on pas que les Portugaises sont les meilleures? Il ne reste plus que les lessives, le repassage, les courses et toutes ces choses sympathiques qui remplissent si bien la double vie des femmes. Premier Noël à la Prana. Premier souper de boîte pour Faustine. Il est décidé d'organiser une raclette géante. Ah, mais pas n'importe laquelle. Les fils de Jacques ne manquent pas d'imagination. Tout ce qui rentre fait ventre. On a installé plusieurs fours à raclette sur 3 grandes tables disposées en U. Dans les poêlons, il y a aussi bien des œufs que des crevettes, des ananas, des lardons, des oignons, du thon, du saumon fumé et accessoirement du fromage. Faustine trouve cela génial. Au milieu de toute cette jeunesse, elle a l'impression de vivre l'adolescence qu'elle n'a jamais eue. Son témoin gênant, puisque Maxime est déjà parti fêter Noël avec ses filles et sa mère à Cagnes. Dès son retour, ils partiront à Quiberon. Ils se sont fait prescrire une cure par leur médecin traitant. Faustine n'aurait jamais pensé qu'une cure de thalassothérapie soit si fatigante. Tu verras, tu t'y retrouveras sur le long terme. D'accord, mais en attendant, on se croirait à l'armée. De fait, dès leur arrivée, le médecin de la maison leur prescrit un programme strict. Un jour le matin, le lendemain l'après-midi, le surlendemain le matin, et ainsi de suite. Dès qu'elle a un moment entre les bains de boue, les enveloppements, l'aquagym et les massages, Faustine ne souhaite qu'une chose, dormir. Le restaurant est à l'avenant. Une demi-bouteille de champagne le 25 décembre et des plats diététiques limite anorexie. Faustine est heureuse de retrouver son bureau. Elle ne garde de son séjour que la vision d'un Jean-Paul Belmondo vieillissant, surgissant de la piscine, et une échappée superbe sur les rochers surplombant une mer d'huile. À aucun moment ils ne sont allés se promener sur la falaise, tant ils étaient épuisés. En janvier 1989, Maxime obtient un nouveau contrat pour jouer avec son orchestre aux Arcs. Faustine accepte de l'accompagner. Pendant que son mari skie, elle écrit, inondant ses cahiers de doléances. L'exutoire est efficace, comme toujours. Le mois suivant, le couple s'envole pour Rotterdam. Maxime et Faustine participent à une réunion de travail rassemblant les représentants européens. La jeune femme s'amuse à vexer les dirigeants américains présents en pointant certaines de leurs incohérences. Jacques la tempère avec sa diplomatie coutumière. Tout cela se termine au bowling devant une bonne bière. En mars, alors qu'il rentre d'une visite chez les parents de Faustine, Maxime lui fait la surprise d'un détour par Milan avec la toute petite compagnie Cross Air. Le survol des Alpes, une coupe de champagne à la main, est grandiose. Le temps au beau fixe offre chaque détail des sommets à la vue. La douche est d'autant plus froide à Milan lorsque Faustine, remerciant chaleureusement Maxime, s'entend répondre « J'espère qu'un jour, tu m'aimeras pour ce que je suis et pas pour ce que je te donne. Alors je serai comblée. » Bouleversée, Faustine noircit 20 pages d'une lettre qui restera morte. Ces humiliations ne finiront-elles donc jamais ? Comme pour aggraver son cas, le lendemain, prise à partie par le représentant milanais de la société, elle promet d'intervenir en sa faveur auprès de la maison mère dans le cadre d'un litige. Maxime, furieux, la désavoue devant tout le monde, prétendant qu'elle outrepasse son rôle. C'est l'humiliation de trop. Cette fois, le compte à rebours est enclenché. De retour à Paris, Faustine se met discrètement en quête d'un logement. Très vite, elle se rend compte qu'avec ce qu'elle reverse à Maxime pour l'aider à payer leur maison, ajouté aux dépenses occasionnées par sa voiture, il ne reste plus assez pour se loger et se nourrir. De plus, partir au moment où tout se joue au niveau de sa nationalité française serait vraiment stupide. Après tout, elle a tenu jusque-là, elle peut bien le faire le point dans sa poche encore quelques mois, l'essentiel du soulagement étant d'avoir décidé son départ. Comme toujours, quand il sent monter l'orage, Maxime se lance dans une grande entreprise de séduction. Chargé d'infliger un séminaire aux gars de la marine à Cherbourg, il invite sa chérie à l'accompagner. Faustine ne résiste jamais à l'appel d'un voyage. Pendant que son homme travaille, elle passe, seule, des moments enchanteurs. Maxime leur a trouvé un hôtel à Varouville, dans les environs de Saint-Pierre-Église. C'est un tout petit château entièrement redécoré par la nouvelle propriétaire, dont c'est la passion de racheter des murs décrépits et de les sublimer. Rideaux et couvre-lits sont en chintz assorti. Dans la salle de bain, les robinets dorés ressortent à merveille sur les catelles noires. Le couple barbote dans l'immense baignoire rose. La gouvernante qui les a pris en amitié leur apporte thé et petits gâteaux jusque dans la salle de bain. Le soir venu, le mari de la propriétaire, un cuisinier de renom, concocte pour eux seuls un extraordinaire repas à 12 plats. En journée, Faustine explore le Cotentin, sitôt qu'elle a déposé son homme à la base navale de Cherbourg. Face à la Manche, la jeune femme laisse place à l'introspection. Comment faire pour reprendre sa vie en main ? Retour à la Pralin pour Faustine pendant que Maxime sillonne l'Europe, l'Amérique du Nord et le Canada, cumulant les séminaires. Toujours en dépression larvée, Faustine, un soir de trop grande solitude, avale une plaquette entière de Rohypnol. Elle fait descendre avec leur dernière bouteille de rhum blanc rapportée de la Martinique. Le lendemain, elle parvient à rouler jusqu'au bureau. Avant de perdre connaissance, elle se confie à Nelly, ex-infirmière, qui appelle le SAMU immédiatement. Lavage d'estomac, cure de sommeil. Jacques et Nelly sont présents à son réveil. Ils ne la jugent pas, ne la condamnent pas, lui conseillent une cure de repos à la clinique de Chevreuse. Faustine accepte, reconnaissante qu'on prenne son mal-être en compte. Maxime lui rend visite dès son retour. Il a du mal à cacher son agacement. Dans la semaine, Jacques fait une apparition accompagné d'un ami. Ils discutent tous les trois quelques minutes. Puis les deux hommes se retirent. Quelque temps plus tard, Faustine apprend par Jacques que son mystérieux visiteur aurait le pouvoir de lire dans les pensées. Sans blague, et il a lu les miennes ? Oui, enfin... En fait, il voit ton aura et constate si elle est blanche ou noire. Il sent aussi si tu as des pensées négatives ou positives. En clair, si tu joues la comédie ou si tu es sincère. Et il n'a rien remarqué de négatif. Tu es bien la belle personne que je pressentais. Jacques a vraiment des amis bizarres, mais on ne pourra pas dire qu'il néglige ses protégés. Faustine est très impressionnée par son humanisme. De retour au bureau, la jeune femme met les bouchées doubles pour effacer la mauvaise impression de sa défection. Maxime, de son côté, s'en veut de l'avoir laissé si seul. Il cherche à réparer ses négligences. Un jour, il a une idée de génie. « Et si je demandais à Jacques de te le faire, cet enfant, tu serais heureuse ?»« Bien sûr, surtout s'il m'en fait un aussi beau que son Max. » Et Maxime d'entreprendre Jacques, lequel exige simplement que sa femme soit d'accord. Hélas, il se heurte à un refus sec et sonore. Pierrette aime bien Faustine, mais pas au point de lui prêter son mari. Faustine comprend et accepte. Jacques laisse entendre qu'il pourrait se passer de l'accord de son épouse, mais pour la jeune femme, il n'en est pas question. Elle a vu où l'adultère l'a menée. Elle se replonge à fond dans le travail pour oublier de boire et de fumer.